Tu as fait de moi celui que je suis aujourd'hui. La rue ma terre, territoire qui m'a vu pousser. Caniveau encrassé, des souvenirs que je peux pas effacer. Certains l'attaquent avec l'uniforme comme armure à ce qu'on dit. Elle est côtoyée par de vrais durs et ce qu'on vit. C'est pas le bonheur à coup sûr, tellement dans l'impasse qu'on sera peu à s'en sortir. La rue m'attire face à mon âme sœur depuis la poussette, qui m'a vu grandir, pleurer sur le vélo à roulette. Victime de mes premiers vices quand je rentrais trop tard. Elle a vu mon échec scolaire et mes bastons sur le trottoir. Elles m'ont vu manquer de respect à tous ces gens qui les dominent. Je leur resterai fidèle, elle est ma rue, c'est mon domaine. C'est elles qui m'ont bercé, qui essuyaient mes larmes versées. Elles m'ont jamais laissé, je leur dédie ces quelques versets. Merci, vous avez fait de moi l'IMC. Quelqu'un, je vois la je vie, vois la autrement. Autrement. Avec elle, je suis bien. On a tissé des liens. Elle a fait de moi quelqu'un. Elle qui me connaît si bien. Que faire dans cette vie? Un pote m'a dit, c'est la crise à l'embauche. Le fils, le manque de sous incite les jeunes à la débauche. Un soir tard, j'ai vu mon avenir dans un caniveau. Je rappe la rue, y'a que pour elle que je monte le niveau. Une vie remplie de déceptions avec des bandes en section. Je rappe à la pression, dans mon triste vécu j'ai plus que ça. J'arbore tes ruelles le soir d'un air plutôt pensif. Ma vie sans toi, une existence remplie de coups de griffe. La base de tout un mouvement, du rapographe. Le cœur de mon inspiration et de mon orthographe. Elles m'ont appris à militer quand la cause est juste. À mettre le papier dans l'urne car sinon on déguste. J'ai écrit ces rimes un soir, le cœur rempli de tristesse. Elles m'ont sorti de l'engrenage, merci mon Dieu de justesse. 12 France, c'est pas moi qui ai menti. Devant ta porte, toxico et des femmes qui m'ont dit. Avec elle je suis bien différent. Elle a fait de moi quelqu'un. Je vois la vie autrement. Avec elle je suis bien. On a tissé des liens. Elle a fait de moi quelqu'un. Elle qui me connaît si bien. J'ai tout fait pour que ma femme élève son fils dans un coin décent. Honnêteté ça paye pas, maintenant j'encaisse des regards menaçants. T'as fait de moi ce mec droit que les keufs kiffent contrôler. La vie c'est moche, comme une belle meuf qui kiffe un trolley. Dehors ça me check, t'as que des potes quand tu sors un CD. Tu seras la seule angoisse, c'est quand je viendrai à décéder. C'est décidé, maintenant mon taf, balancer mes idées. Mat mon texte, je suis hors sujet depuis l'intro. L'amour je connais pas, la trahison je connais trop. Et si je me lâche, les larmes vont inonder les chaumières. Artiste triste, reconnaissable au regard solitaire. Depuis ma mère, chienne de vie, personne m'est solidaire. Mon entourage, ils veulent mon deuil et me voir dans le fossé. Une minute de silence pour celle qui veille et qui m'a fait pousser. Avec elle, je suis bien différent. Elle a fait de moi quelqu'un. Je vois la vie autrement. Avec elle, je suis bien. On a tissé des liens. Elle a fait de moi quelqu'un. Elle qui me connaît si bien.